bildirdi. Dans nos bulles, on rêve, on s'évade. Certains voguent sur les océans d'émotion, d'autres des démons, brisant les façades. Et chacun son monde, chacun sa passion. Chacun sa bulle, chacun son univers. Des étoiles dans les yeux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Dans sa bulle, et chacun son univers. Les aventuriers du cœur, explorateurs de l'âme, cherchent des trésors dans les vagues de l'amour. Les chasseurs de bulles, avec leurs flammes, détruisent les rêves, la nuit et le jour. Quelque part, on part à zéro à chaque instant. Chacun sa bulle, chacun son univers. Des étoiles dans les yeux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Et chacun sa bulle, chacun son univers. Les arbres de vie offrant l'oxygène, ancrés dans la terre, nourrissent l'air. Ils donnent sans compter, sans haine. Leur univers est un havre de lumière. Un havre de lumière. Quelque part, on part à zéro à chaque instant. Chacun sa bulle, chacun son univers. Des étoiles dans les cieux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Chacun sa bulle, chacun son univers. Les rêveurs solitaires, dans leur bulle de verre, regardent les étoiles, cherchant des réponses. Leur univers est un mystère, un voyage sans fin, une douce transe. Chacun sa bulle et chacun son univers. Des étoiles dans les yeux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Et chaque bulle, et chaque univers. Les artistes de l'âme, dans leurs bulles de couleurs, peignent des mondes, des rêves enchantés. Leur univers est une toile de bonheur, où chaque émotion est une réalité. Quelque part, on part à zéro à chaque instant. Et chacun sa bulle, chacun son univers. Des étoiles dans les yeux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Et chacun sa bulle, chacun son univers. Dans nos bulles, on trouve notre chemin. Rêveurs guerriers, arbre de vie. Dans nos bulles, on tisse des liens. Rêveurs guerriers, arbre de vie. Et chacun sa bulle, et chacun son univers, et des étoiles dans les yeux, des rêves à l'envers. On danse, on pleure, on rit, on espère. Chacun sa bulle, chacun son univers.